Chapitre 55e. Deux jours après son entretien avec Herminie et Ernestine, M. de Maillefort, ensuite de deux longues et sérieuses conversations avec Gérald, à qui il recommanda de ne tenter aucune démarche auprès de sa mère à propos d'Herminie, M. de Maillefort écrivit à la duchesse de Senneterre pour lui demander un rendez-vous le jour même et se présenta chez elle à l'heure convenue. Le marquis, prévenu par Gérald, ne s'étonna pas de l'expression de chagrin courroucé, mêlé d'accablement, qu'il trouva sur la physionomie de Madame de Senneterre. Car le matin même, Madame de la Rochegue lui avait annoncé que Mademoiselle de Beauménil, tout en appréciant M. de Senneterre comme il devait l'être, ne voulait pas l'épouser. À la vue du bossu, les ressentiments de Madame de Senneterre s'exaspérèrent encore et elle lui dit avec amertume « Avouez, monsieur, que je suis grandement généreuse. En quoi cela, madame? Ne vous donnai-je pas, monsieur, le plaisir de venir insulter au chagrin que vous avez causé? De quel chagrin voulez-vous parler? De quel chagrin ? S'écria la duchesse avec explosion. N'est-ce pas votre faute si le mariage de mon fils avec Mademoiselle de Beauménil est rompu? C'est ma faute. Oh, je ne suis pas votre dupe, monsieur. Et c'est pour que vous en soyez bien certain que j'ai accepté le rendez-vous que vous avez l'audace de me demander. Je n'ai pas voulu laisser échapper cette occasion de vous dire bien en face la version que vous m'inspirez. Soit, madame, c'est un sujet de conversation comme un autre, et vous excellez dans ce genre d'entretien. Monsieur de Maillefort m'obligera de garder son impertinente ironie pour une occasion meilleure, dit madame de Senneterre avec une hauteur courroucée, et il voudra bien se rappeler qu'il a l'honneur de parler à la duchesse de Senneterre. « Madame la duchesse de Senneterre me fera la grâce de me traiter avec la considération qui m'est due, » répondit sévèrement le bossu. « Sinon, je mesurerai exactement mes paroles sur les paroles de madame de Senneterre. »« Une menace, monsieur ?»« Une leçon, madame. »« Une leçon, à moi. »« Et pourquoi donc pas ? Comment ? Moi qui étais le plus ancien ami de votre mari, moi qui aime Gérald comme un fils, moi qui ai droit aux égards, à l'estime de tous ?» « Entendez-vous bien, madame, à l'estime de tous. Moi, dont la naissance est au moins égale à la vôtre, il faut bien vous dire cela, puisque vous attachez ainsi au prix à ces misères. Vous m'accueillez, l'injure à la bouche, la colère dans le regard, et je ne vous rappellerai pas à ce que vous me devez, à ce que vous vous devez à vous-même. » Comme toutes les personnes vaines, altières, habituées à n'être jamais contredites, Madame de Senneterre devait être d'abord surprise, irritée, puis dominée, par un langage rempli de bon sens et de fermeté. Aussi, sa colère faisant place à un douloureux accablement, elle reprit « Eh, monsieur, faites au moins la part du désespoir qu'une mère éprouve en voyant l'avenir de son fils à jamais perdu. Comment perdu ? Oui, monsieur, et par votre faute encore. Voulez-vous avoir la bonté de me démontrer cela ? Mon Dieu, monsieur, je sais maintenant quelle influence vous avez sur Mademoiselle de Beauménil. Mon fils a en vous une confiance qu'il n'a pas pour moi. Et si vous l'aviez bien voulu, ce mariage, d'abord en si bonne voie, n'aurait pas été rompu brusquement, sans que l'on sache pourquoi. Oui, il y a là un mystère dont vous seul avez le secret. Et quand je pense que Gérald, avec son grand nom, pouvait être le plus riche propriétaire de France et qu'il n'en est rien, je suis, eh bien, oui, je suis la plus malheureuse des femmes et des mères. Et tenez, vous le voyez, monsieur, j'en pleure de rage. Vous êtes bien content, n'est-ce pas ? Et en effet, la duchesse de Senneterre pleura. Sans l'intérêt qu'il portait à Gérald et à Herminie, M. de Maillefort, loin d'être apitoyé par ses larmes ridicules, eut tourné le dos à cette femme vaine et cupide qui se croyait naïvement la plus tendre et la plus infortunée des mères en cela qu'elle avait voulu, par tous les moyens possibles, assurer à son fils une fortune immense, et que ce beau projet avait échoué. Mais désirant surtout mener à bonne fin la difficile entreprise dont il était chargé, le marquis laissa passer la première effusion d'une douleur dont il n'était nullement touché et reprit. Le mystère est bien simple. Gérald et Mademoiselle de Beauménil s'apprécient parfaitement l'un et l'autre, seulement ils ne s'aiment pas d'amour, voilà tout. Et monsieur, que fait l'amour à cela ? Est-ce que de pareils mariages, pas plus que ceux des familles royales, se font jamais par amour ? Vous sentez bien, madame, que je ne vous ai pas demandé une entrevue sérieuse pour discuter avec vous cette thèse, vieille comme le monde. Lequel vaut mieux, d'un mariage de convenance ou d'un mariage d'amour ? Nous ne nous entendrions jamais. D'ailleurs, il s'agit d'un fait accompli. Le mariage de Gérald et de Mademoiselle de Beauménil est désormais impossible, vous pouvez m'en croire. Les millions de l'héritière ne seront pas pour votre fils, qui du reste n'y tenait guère, le digne garçon. Oui, et grâce à ce désintéressement stupide, ou plutôt à cette odieuse insouciance de l'éclat de leur nom, reprit Madame de Senneterre avec amertume, les représentants des plus grandes maisons tombent dans une honteuse médiocrité. C'est ainsi que mon père et mon mari, en négligeant les moyens de rétablir la fortune que cette infâme révolution nous avait enlevée, ont laissé mon fils et mes filles sans fortune, et par le temps qui court, je vous demande un peu comment je pourrais marier mes filles. Tandis que Gérald, puissamment riche, venant en aide à ses sœurs, elles auraient pu trouver ainsi des parties sortables. Et vous voulez, monsieur, que je ne sois pas désespéré de la ruine de mes projets, moi qui, un moment, ai rêvé pour mon fils une fortune à la hauteur de sa naissance ? Allons, soit, madame, vous aimez Gérald à votre manière. Ce n'est pas la bonne, mais enfin, tant bien que mal, vous l'aimez. Oui, oui, je l'aime, dit madame de Senneterre d'une voix concentrée. Je l'aime comme je dois l'aimer. Nous allons voir cela. Que voulez-vous dire, monsieur ? D'abord, je dois vous déclarer que Gérald est passionnément amoureux et que... Madame de Senneterre bondit sur son fauteuil, devint pourpre de colère et s'écria impétueusement en interrompant le bossu. C'est indigne. Je m'en étais toujours douté. Voilà le mystère éclairci. C'est de mon fils que vient leur fut, car cette petite Beauménil était folle de lui. Je l'ai bien vu à ce bal, et c'est vous, monsieur, vous, qui avez prêté les mains à cette abominable intrigue. Puis, la colère de madame de Senneterre atteignant à son comble, elle s'écria « Jamais je ne reverrai mon fils, il n'a ni cœur ni âme !» Le marquis s'attendait à cette explosion. Il la laissa passer et reprit « Vous m'avez interrompu, madame, et je continue. En vous faisant toutefois observer que mademoiselle de Beauménil, loin d'être folle de Gérald, a de son côté une affection très sincère et très noblement placée. L'effronter ! » s'écria la duchesse avec une telle naïveté que le bossu, malgré ses graves préoccupations, ne put s'empêcher de sourire imperceptiblement et continua. Je vous disais donc, madame, que Gérald était passionnément amoureux d'une jeune fille digne en tout de cet amour. Je vous prie, monsieur, de ne pas me dire un mot de plus à ce sujet, reprit madame de Senneterre en affectant un calme que démentait le tremblement de sa voix. Tout est à jamais fini entre mon fils et moi. Il peut aimer qui bon lui semble, épouser qui bon lui semble. Après sommation respectueuse, car il a l'âge voulu pour se passer de mon consentement, qu'il traîne, s'il veut, son nom dans la boue. De ce jour, je reprends le nom de ma famille. Je dirai partout et bien haut pourquoi je rougis de porter un nom avili, déshonoré. Du moins, je trouverai quelque consolation auprès de mes filles. À ces paroles, dont la violence égalait la déraison, le marquis reprit gravement. Votre fils, madame, comprend ses devoirs envers vous, autrement que vous ne comprenez les vôtres à son égard. Il ne vous fera pas de sommation. Il vous honorera, il vous respectera ainsi qu'il l'a fait jusqu'ici. Il ne se mariera qu'avec votre consentement. Vraiment, s'écria madame de Senneterre avec un éclat de rire sardonique, il me fait cet honneur. Malgré le profond amour qu'elle a pour lui, la personne qu'il recherche ne veut l'épouser qu'à une condition, c'est que vous irez, madame, dire à cette personne que vous êtes consentante à ce mariage. Monsieur de Maillefort, c'est une gageure, sans doute une plaisanterie. C'est une question de vie ou de mort pour votre fils, madame. L'accent du marquis, l'expression de ses traits, furent empreints d'une si menaçante autorité que madame de Senneterre s'écria effrayée. Monsieur, que dites-vous ? Je dis, madame, que vous êtes une mère sans entrailles, si vous n'avez pas remarqué la pâleur, l'accablement de votre fils depuis quelques jours. Et le jour de ce bal, où ce malheureux enfant s'est courageusement traîné, votre médecin ne vous a-t-il pas déclaré devant moi que sans les moyens héroïques auxquels il venait de recourir, vous risquiez de perdre votre fils d'une fièvre cérébrale ? remise peu à peu de son alarme, et regrettant de s'être laissé attendrir un instant, Madame de Saint-Terre reprit avec un sourire de dédain. « Allons donc, une fièvre cérébrale se guérit avec des saignées, monsieur, et l'on ne meurt d'amour que dans les romans, et dans les mauvais romans encore. C'est une plaisanterie toute tendre, toute maternelle que vous faites là, madame, et pour y correspondre, je vous dirai, tout aussi plaisamment, que si, sous peu de jours, et après avoir pris et reçu toutes les informations nécessaires sur la personne dont je vous parle, vous ne faites pas auprès d'elle la démarche qu'elle attend de vous. « Eh bien, monsieur ?»« Eh bien, madame, votre fils se tuera. » »« Oui, » reprit madame de Saint-Terre avec un redoublement d'ironie, « comme dans je ne sais plus quel mélodrame. Je vous dis que votre fils se tuera, malheureuse folle !» s'écria le marquis, effrayant de conviction. « Je vous dis que le dernier duc de Saint-Terre finira par un suicide, comme le dernier duc de Bretigny. » Cette allusion à un événement tragique récent, dont on avait parlé chez madame de Mirecourt, fit tressaillir madame de Saint-Terre. Elle connaissait la rare énergie du caractère de Gérald. Elle savait combien il souffrait d'un chagrin qu'il lui cachait. Elle avait enfin, malgré elle, une si profonde estime pour le caractère de monsieur de Maillefort, qu'elle savait incapable de parler de la possibilité du suicide de Gérald s'il n'était convaincu de l'imminence de cet événement, que dans son épouvante, la malheureuse femme s'écria « Ah, monsieur, ce que vous dites là est affreux. La maison de Saint-Terre s'éteindre par un suicide ?» Dans ce cri, l'aveugle vanité de race parlait plus haut que la maternité. Cette femme, stupidement hautaine, tremblait d'abord et surtout à cette pensée que le nom des Saint-Terre, cette grande et illustre maison, pouvait s'éteindre, et s'éteindre par un acte que le monde où elle vivait qualifiait de crime. Le marquis ne pouvait se tromper sur les sentiments de madame de Saint-Terre, aussi reprit-il. « Oui, si vous êtes aussi aveugle qu'impitoyable, ce beau nom de Saint-Terre, souvent glorieux, toujours honoré, disparaîtra pour jamais dans les larmes et dans le sang. Monsieur de Maillefort, cette idée est horrible. Je sais mon malheureux fils capable de tout. Non, non, je ne veux pas penser à cela. Vous me faites frémir. Et quand je me rappelle le deuil, le désespoir, la honte de cette famille, qui a vu le chef de sa maison finir par un crime horrible, tenez, assez, assez, j'en deviendrai folle. » Et passant ses mains sur son front inondé d'une sueur froide, madame de Saint-Terre reprit « Je vous dis, monsieur, que je ne veux pas songer à cela. Enfin, cette personne, qui est-elle ? Quoique je sois dans une mortelle angoisse au sujet du choix que Gérald a pu faire, une chose du moins me rassure un peu. C'est que cette personne prétend que j'ai à lui dire que je consens à son mariage avec mon fils. Or, pour oser attendre de moi une démarche pareille, il faut être dans une telle position sociale que je n'ai pas du moins à redouter quelque amour indigne de la part de mon fils. Gérald a noblement placé son amour, madame. « J'ai déjà eu l'honneur de vous l'affirmer, » reprit sévèrement le marquis. « Ordinairement, ce que je dis, on le croit. »« Il est vrai, monsieur. Votre garantie doit me rassurer encore. Sans doute, je n'aurai plus jamais l'occasion de faire le rêve que j'avais fait pour mon fils. Mais enfin, si la personne dont vous parlez a de la naissance, de la fortune et... » Le bossu interrompit madame de Saint-Terre et lui dit « La personne dont il est question est une orpheline, elle est maîtresse de piano et vit de ses leçons. » Il est impossible de rendre l'expression des traits de madame de Saint-Terre en entendant les paroles du marquis. Elle eut ressenti une commotion électrique que le mouvement qui la fit se lever n'eût pas été plus brusque. « Une aventurière, une drôlesse !»« Ce misérable enfant devait finir par là » s'écria-t-elle. « Quelle honte pour mon nom et pour celui de mes filles !» Et comme M. de Maillefort se levait non moins vivement pour répondre à madame de Saint-Terre, celle-ci l'interrompit en ajoutant « Et une pareille créature a l'audace d'exiger que moi, je m'abaisse jusqu'à aller lui. » Madame de Saint-Terre n'acheva pas. Elle aurait cru souiller ses lèvres en répétant cette proposition énorme, inouïe, mais elle partit d'un éclat de rire sardonique presque convulsif. Puis, Un calme glacial succédant à cette exaspération, Madame de Saint-Terre prit le bras de M. de Maillefort d'une main tremblante et lui dit « Mon cher monsieur, écoutez-moi bien. Mon indigne fils viendrait là, entendez-vous, là, devant moi, me dire « Je me tue à vos yeux si vous refusez votre consentement. Je lui répondrai « Tuez-vous. J'aime mieux vous voir mort qu'infâme. J'aime mieux que votre nom s'éteigne que de le voir perpétué pour votre déshonneur, pour le mien et pour celui de vos sœurs. » Et comme le marquis allait se récrier, elle ajouta « Monsieur de Maillefort, je ne m'emporte pas, je suis calme, je vous dis ce que je pense, je vous dis ce que je ferai. » Et après l'insultante prétention de mon fils et de sa complice, ce n'est plus de l'amour maternel que je ressens pour lui, ce n'est même pas de l'indifférence, c'est du mépris, c'est de la haine, entendez-vous? Oui, de la haine. Dites-lui cela, je reporterai sur mes filles toute l'affection que je portais à ce misérable. » Cette femme agirait ainsi qu'elle dit, pensa le marquis avec horreur. L'insistance serait vaine. La raison échouerait à combattre cette opiniâtreté. Et le bossu ne se trompait pas. Cette femme, ainsi qu'elle le dit, verrait d'un œil stupide et farouche son fils se tuer à ses pieds. C'est la vanité de race poussée jusqu'à l'obtuse férocité de la bête. Pauvre Gérald, pauvre Herminie.